Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous allez continuer à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. I got that lipstick smeared around my face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. 'Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Et oui, mesdames et messieurs, une grosse émission encore cette semaine. On va vous parler de plein de sujets intéressants. On va vous parler de Far Cry 3 qui est sorti au début décembre. On va vous parler de la version PC. On va également parler avec Monsieur Luc Biron de la Société d'animation japonaise de Gatineau, un des organisateurs de G-Anime 2013. En fait, il est là depuis le début. C'est un des créateurs du festival. On va lui parler en milieu d'émission. Et Monsieur Andrew Castegan qui est à la console. Salut Andrew. Bonjour. Ça va bien? Oui, j'ai eu le temps d'éviter une autre gaffe, mais pas causée par moi ce coup-ci. Et là, cette semaine, on va continuer finalement notre dossier Prédiction 2013. Oui, je vais faire encore un Nostradamus de moi et vous dire qu'est-ce que le futur nous réserve. Et en même temps, peut-être en profiter pour donner un petit peu plus de détails sur certains éléments que j'avais déjà parlé la semaine passée, mais que j'ai fait à la va-vite. Bon, mais excellent. On va avoir plus de temps cette semaine, on l'espère. On vous rappelle rapidement que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Vous pouvez aller chercher toutes nos anciennes émissions, les podcasts, nouvelles et autres. Allez sur la page Facebook de Puissance Maximale également. Donc, vous tapez Puissance Maximale dans la barre de recherche. Vous allez nous retrouver tout de suite et vous allez appuyer sur le petit bouton j'aime parce que nous, je le disais toutes les semaines, mais c'est vrai, là, on vous aime tellement. Et profitez-en aussi. À un moment donné, il faudrait briser la routine. Tu disais, appuyez sur j'aime parce que nous, on vous aime pas. Donc, non. Ça marche blague, pas comme ça. Moi, je suis un gars honnête. Donc, on parle d'amour ici, Andrew. Et, le studio est plein d'amour. Ben oui. Profitez-en pour partager la page de Puissance Maximale avec vos amis geeks pour qu'ils puissent entendre la bonne nouvelle ludique. Également, vous pouvez aller sur le site de CKIA, le CKIAFM.org, pour aller chercher votre carte de membre de la station, un petit 20$. Ça vaut la peine. Écoutez, encouragez la station pour justement encourager un micro libre à Québec de la radio différente et en même temps une émission ludique comme Puissance Maximale. Ça vaut la peine. Un petit 20$. Comme à notre habitude, on va vous commencer ça en musique et on va vous commencer ça avec le groupe Zebda et la chanson Il n'y a pas d'arrangement. Vous entendez ça à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Pour qu'on nous retienne, il eût fallu derrière nous attoper qu'à la course. Mais en tout cas, rien n'a coulé de source. Y'a pas d'arrangement, pas de grimace. Juste le lendemain, se regarder dans une glace. Faut le dire, on a fait ça pour faire la fête. Et se le dire, cette folie, on l'a faite. L'évidence n'était pas chez la voisine. Vous voulez chanter des belles casques maintenant. Il fallait qu'on s'y risque car c'est l'usine qui ouvre ses bras en criant. C'est donnant-donnant. Y'a pas d'arrangement, pas de grimace. Y'a pas d'arrangement, se regarder dans une glace. Y'a pas d'arrangement, on a fait ça pour faire la fête. Y'a pas d'arrangement, cette folie on l'a fête. Y'a pas d'arrangement, y'a pas d'arrangement. Y'a pas d'arrangement, y'en a pas, y'en a pas, y'en a pas, non, non. Y'a pas d'arrangement, y'a pas d'arrangement. Y'a pas d'arrangement, y'en a pas,

dans tout ce voyage-là, toute votre gang se fait kidnapper par des méchants pirates. Le but de ces pirates-là, c'est de vous d'exiger une rançon à vos parents et aussi vous vendre comme esclave auprès de marchands d'esclaves. Donc, et non pas de marchands de meubles. Et voilà, parce que ça n'aurait aucun sens, n'est-ce pas, Andrew? Non, c'est ça. Ils ont gardé une suite logique. Quand même. C'est un bon point. Moi, je mettrais au moins un point sur 10. Un point sur 10 pour ça. Donc, pendant que vous êtes captif par les pirates, vous réussissez à vous sauver. Et après, finalement, moi, je vous dis pas tous les détails de l'histoire, mais finalement, vous vous sauvez, puis après ça, votre but, c'est de libérer vos autres amis des pirates. Donc, comme contexte, comme storyline, c'est assez de base. Il y a quelqu'un qui va vous sauver, finalement, parce que vous réussissez à vous échapper, sauf que, écoutez, il y a du monde qui vous court après, des chiens, du monde avec des mitraillettes et tout, ça fait que vous réussissez à vous sauver. Oui, aussi. Et il y a quelqu'un qui vous recueille, qui s'appelle Dennis, et qui est un local, finalement, un natif de la place. Il fait partie d'une c'est pas vraiment une tribu, là, mais bref. Mais en fait, il est pas vraiment natif. Ouais, oui, c'est un natif de la place. C'est un Rakyat, voilà. Les Rakyat qui sont... Ah oui, c'est vrai. Sauf qu'il y avait été dans l'armée américaine, il me semble. T'en habit d'armes militaires quand tu... Ah, mais ça, je veux dire, avec le genre de place où c'est, ça a peu d'importance. Mais bref, ils ont de langues bizarres là-bas. Ouais, c'est ça, parce que il va vous tatouer pendant que vous êtes inconscient, et ces tatous-là vont vous donner des habiletés spéciales. Donc, c'est là qu'on va rentrer, on va expliquer un peu le système, c'est un first-person shooter, mais qui a des aspects de role-playing game, de jeu de rôle, dans le sens où vous allez avoir des points d'expérience à accumuler, que vous accumulez en récoltant des systèmes, en faisant des missions, en tuant des gens, bien évidemment. On parle d'un shooter, donc il y a des gens qui sont tués. Et en faisant différentes missions comme ça, et vous allez pouvoir augmenter de niveau. Ce que ça fait finalement, augmenter de niveau, ça vous débloque un point de skill que vous allez pouvoir placer dans l'arbre à skill. Donc finalement, vous en avez trois arbres de compétences. Vous allez pouvoir développer certaines compétences. Je donne des exemples rapides. Le recharger plus rapidement votre arbre. Nager plus vite. Nager plus vite, courir plus vite, vous guérir plus rapidement, bref. Ramasser plus d'herbes quand vous en ramassez. Oui, parce qu'il y a du crafting aussi, un autre truc de RPG que vous allez retrouver dans ce jeu-là. Ouais, moi... Ouais, mais c'est un point. On va faire ça rapidement. J'explique rapidement le système, puis on va pouvoir le critiquer tout de suite après. Donc, c'est ça. XP, compétences, il va y avoir du crafting également. Rapidement comme ça, dans le crafting, là, surtout, vous allez avoir à faire, c'est souvent des étuis, donc pour serrer des munitions, pour serrer des guns, pour mettre vos seringues, parce que vous avez des seringues qui peuvent vous booster physiquement, pour vous guérir et tout. Même, ça c'est vraiment ridicule, un portefeuille, parce que vous êtes pas capable d'avoir un portefeuille assez gros, mettre assez d'argent, c'est que vous avez en plus... Des poches, ça existe pas. Mettre 20$ dans vos poches, vous pouvez pas dans ce jeu-là. Ça vous prend un portefeuille en peau de requin. Ouais, c'est ça. Puis parce qu'il est en peau de requin, mais il est plus gros. Mais bref, vous avez à faire ça, entre autres. Et voilà, pour le système RPG, c'est pas mal ça. Donc, c'est intéressant pour les skills. C'est toujours... ça rajoute un petit quelque chose, comme faire les attaques, parce que vous pouvez faire des attaques furtives avec votre couteau. Donc, en développant ça, vous pouvez en faire plusieurs en ligne. Vous pouvez même prendre le couteau de votre ennemi quand vous l'avez tué vous-même avec votre couteau. Bien, vous prenez le couteau de l'ennemi puis vous le lancez à l'autre en avant de vous. Des trucs du genre. Donc ça va développer des trucs intéressants. Il y en a pas mal, là. C'est trois arbres assez complets de compétences. Tu dirais une vingtaine par arbre, peut-être un peu moins, peut-être une quinzaine. Quinzaine, je dirais. Par arbre. Donc évidemment, là, vous pouvez pas. En tout cas, ça dépend. Remarquez, je l'ai pas. Je suis pas allé au bout du jeu. Mais il s'en fait quand même pas mal à débarrer. Tu m'étais-tu rendu plus loin que toi? Dans le storyline, non. Non? T'étais proche d'où est-ce que je t'ai rendu, parce qu'évidemment, mesdames et messieurs, quand on parle de monde, de jeu avec ce qu'on appelle un open world, donc monde ouvert, ben c'est énorme. Il n'y a pas juste la trame principale. Vous avez des petites missions que les gens du coin peuvent vous donner. Vous pouvez aller jouer au poker, vous pouvez aller faire de la course. Ce jeu-là m'a prouvé que j'étais pas fait pour le monde du poker. Non, effectivement, ça allait pas bien ton affaire. Non. Et vous avez de la course, vous pouvez faire des livraisons de médicaments. avec des véhicules. Après ça, il y a des défis qui sont lancés par les programmeurs du jeu. Qui s'appelle les Rakyat Challenge, qui sont comme reliés avec la tribu, mais c'est des pierres rouges que vous retrouvez à différents points sur l'île, et c'est vraiment les noms des développeurs qui sont marqués dessus. C'est pas mal ça. Écoutez, c'est un gros jeu dans le sens où vous allez avoir vraiment, vraiment une énorme carte. Vous promenez en véhicule, vous avez différents types de véhicules, là, des quatre roues, vous allez avoir des différentes autos, des jeeps, vous avez des deltaplanes, vous avez des sidoux. C'est tellement pratique un deltaplane. Ouais, faire ça à vol, le deltaplane, ça va beaucoup plus vite. Ouais, t'es ligne droite. Il faut que je me rende là-bas. Et voilà, c'est beaucoup plus rapide. Et c'est ça, vous avez différents. C'est que vous pouvez vous promener. Il y a du fast travel, heureusement, parce que la carte est très grande. Une chance qu'il y a ça. Puis c'est rapide, là. Vous n'avez pas besoin d'être à une place précise pour faire du fast travel. Vous le faites comme vous voulez. Écoutez, dans le genre de open world qu'on a, il y a beaucoup de monde qui ont critiqué le jeu, et je serai de ceux-là qui ont critiqué le jeu en disant que ça ressemblait beaucoup à Assassin's Creed. Effectivement, c'est la même équipe qui a développé, c'est Ubisoft Montréal, donc ça ressemble un peu à ça. Le crafting, la chasse, là, on a parlé d'Assassin's Creed 3 la semaine passée, je disais que la chasse, à un moment donné, on en revient, là, c'est moins pire un peu dans Far Cry 3, parce que c'est pour nous, puis on n'a pas besoin d'aller à 20 000 places, on craft nos affaires, on n'a pas besoin on va les vendre, mais on n'a pas besoin de partir avec des convois, on craft nos affaires, mais on stand quand même assez rapidement. Parce que des fois, les créatures, ils sont pas toujours visibles. Il faut développer des seringues pour pouvoir voir des créatures plus faciles. En tout cas, bref, il y a une perte de temps à ce niveau-là. Moi, ce que je déplore dans ce genre de jeu-là, puis dans Far Cry 3 ici, c'est que souvent, on met beaucoup de petites choses optionnelles autour de la storyline. Remarquez que la storyline, pour le moment, est quand même assez longue. Ça va bien. Elle est intéressante. Il y a une bonne histoire. Il y a une belle incorporation de l'arbre de compétences avec les tatous. Parce que là, c'est le tatou. Vous êtes reconnu comme étant le guerrier, là, comme étant un guerrier Rakyat. Donc, avec les tatous, ça développe vos skills. Puis là, plus ça développe, ben là, les gens vous reconnaissent comme une légende du coin parce que vous faites face aux pirates et tout. La storyline est vraiment intéressante. Il y a une belle histoire. Il y a un thrill pareil parce que, il faut le dire, l'engin graphique, très beau. Très bel engin graphique. Les textures léchées, une affaire qui est vraiment vraiment intéressante, c'est le feu, la physique du feu. Disons que vous mettez le feu, c'est une île tropicale. Vous pouvez être dans marde. Vous pouvez être dans marde parce que le feu, il court sur le gazon, dans les arbres, puis ça peut vous rattraper, vous pognez en feu, essayez de vous éteindre pendant qu'on vous tire dessus, qu'il y a un tigre qui vous court après. Ça, c'est un autre truc qui est intéressant du jeu également, en plus de la physique du feu qui est imprévisible, puis très belle. Et c'est le fun de tomber dans une falaise avec un char aussi, ça m'est arrivé. Ouais, le visuel est beau quand vous conduisez. Je trouve que la conduite est quand même assez réaliste au niveau des véhicules. Vous pouvez aller full pin, ça vous tente, mais vous pouvez faire le saut au bout d'un sentier. Il faut vraiment faire attention. C'est pratique aussi quand vous chassez le tigre. Ouais, effectivement. Puis ça amène une autre chose, c'est que les attaques peuvent venir de partout dans le jeu-là. Autant les animaux sauvages, les prédateurs, autant les ennemis qui peuvent arriver dans un point que vous avez pas vu. Vous pouvez être stealth, vous pouvez être vraiment en mode furtif dans le jeu-là, mais il faut vraiment le faire. Faut vraiment vous cacher de la ligne de vue des ennemis. Mais une fois qu'ils vous ont vu, là, c'est pas trop long qu'ils vous retrouvent. Ça, c'est une petite faiblesse. On peut pas aller se recacher. Dès qu'ils vous ont vu, là, c'est automatique. Ils vont vous retrouver quasiment n'importe où vous allez. Donc, si vous voulez vraiment être furtif, faut vraiment prendre son temps. Donc ça, c'est un point positif du jeu, les combats qui peuvent arriver de partout, n'importe quand, n'importe comment. Ils peuvent être longs aussi. Je me rappelle un moment donné, je me suis fait spotter par deux gardes, je les ai tués, mais le gun que j'avais faisait du bruit. Puis là, ça n'a pas pris de temps que deux autres jeeps qui passaient par là sont venus me rejoindre. Puis là, ça finit que finalement, je me suis retrouvé avec 5-6 chars, à peu près une quinzaine de gars. Puis je voulais juste me rendre au point B. Ouais, c'est ça. Il faut faire vraiment attention. Puis c'est vraiment stratégique à l'intérieur des combos. On peut, mais tirer dans le tas puis foncer tête baissée. Mais mettons que les chances de succès... Il faut que vous ayez un bon sac de munitions. Ouais, puis avoir beaucoup de seringues pour vous guérir. Ouais, à la limite, moi, je m'en tirerais bien sans les seringues, là, mais faut spotter les petits endroits cachés là, qu'on peut se cacher. Là. C'est ça. Il faut être plus beaucoup stratégique dans ces combats. Faut pas être dans une plaine, disons. Non, effectivement. Donc, c'est un jeu, je vous dirais, c'est un bon first person. Les amateurs de first person shooter, ils vont aimer ça, mais pas à la Call of Duty. Là. On se perd un peu. Il y a des gens qui m'ont dit ça, je suis d'accord avec eux. Des gens qui m'ont parlé de ce jeu-là, ils m'ont dit « Je l'aime, sauf qu'on en est... » Ceux qui sont pas habitués à jouer à des jeux open world, à la Skyrim, là... ils disent qu'on se perd, on sait plus où aller. C'est toujours assez clair. On le sait, la trame principale, vous avez toujours le point où vous rentrez. C'est très, très, très clair à ce niveau-là. Sauf que c'est vrai qu'à un moment donné, on fait « Ah, ben il y a ça que je peux faire, je peux faire ça. » Il y a des gens qui viennent à perdre un peu l'objectif principal. C'est vrai que des fois, quand on n'est pas habitué avec les open world, c'est tannant un peu. Moi-même, des fois, je suis en train de jouer, je fais « Bon, qu'est-ce que je ferais bien? Oh, ça... » Déjà que ça peut nous enlever le goût un peu de jouer tellement il y a de trucs là. Donc bref, moi en tout cas, je sais pas pour toi Andrew, là tu l'as essayé. Moi j'ai trouvé que c'était un bon shooter, mais c'est pas le jeu de l'année. Ben moi je dirais à peu près dans la même opinion. Je dirais que c'est un jeu qui m'a bien diverti là, dans le fond quand j'ai joué avec. Il y a peut-être juste une petite lacune je trouve avec le système de visée. Ça m'est arrivé quelquefois avec quelques guns que t'es, j'ai le gun dans ma ligne de mire, j'étais en mode visé, puis normalement je le manquerais pas, puis je tire 4-5 balles dessus, puis mystérieusement il y en a eu aucune qui l'a touché, puis lui est en train de me plomber solide avec son shotgun là. Effectivement, ça c'est un problème que j'ai rencontré aussi quand j'ai joué, puis c'est pas une question de configuration de souris ou de sensibilité, excusez-moi. Et c'est pas un problème de machine pas assez performante non plus là, non, ça, je vous garantis là, connaître la machine de monsieur Michaud là. Ouais, c'est ça se passe super bien. Les configurations, j'ai vraiment essayé tout ce que je pouvais faire pour essayer de changer un peu la sensibilité. Puis je peux vous dire même écoutez, je me suis même acheté une nouvelle souris de gaming récemment qui a un bouton de tir de précision qui ralentit le débit de la souris pour pouvoir mieux viser. Puis même avec ça, là, on a des problèmes. C'est surtout quand ça va vite. En tout cas, je sais pas ce qui se passe dans ce jeu-là, mais j'ai vraiment tout essayé, puis le problème est quand même assez récurrent. Donc ça, c'est un problème du jeu qui est un peu tannant. Sinon, je dirais le trame principale très intéressante. J'ai quand même bien embarqué dans l'histoire. À un moment donné, on se tape même un trip hallucinogène que j'ai trouvé, ma foi. On fait un flashback, finalement, de notre voyage, du début de notre voyage dans cette région-là, avec nos amis. Là. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que grâce à ça, parce que j'étais rendu là, moi aussi, j'ai fait même un deuxième. Qu'est-ce qui se passe avant? C'est ça, on va savoir finalement comment on s'est fait pogner. Peut-être qu'on va avoir des. J'ai quand même quelques heures de mis dans le jeu-là. J'ai trouvé ça intéressant. Je dirais que je trouve qu'on est peut-être un peu trop dépendant de la chasse, parce que si on chasse pas, ben, on n'a pas les matériaux nécessaires pour faire le crafting, de choses que personnellement je trouve totalement aberrant, parce qu'on tue des tonnes et des tonnes de pirates qui ont tout ça sur eux, mais non, il faut qu'on le construise avec la peau de requin qu'on est allé chercher dans le fond de l'océan. Non. C'est ça, les systèmes de crafting de. Ça, depuis que les MMO sont en vie, là, ça, on dirait que ça devient comme... Le crafting, quand c'est bien intégré, ça va bien. T'es Skyrim, je considère que c'est un système de crafting qui est bien intégré, parce que t'es pas obligé de le faire. Parce que tu peux aller clencher l'officier et aller pogner son armure. T'es pas obligé de la faire pour l'avoir. C'est sûr que si tu fais du crafting, mais là, tu peux faire de l'équipement meilleur que qu'est-ce que tu vas trouver. Ça, je trouve ça une bonne idée. Mais là... On se bat contre des pirates qui sont peut-être 10 fois plus armés. On est avec une force de soldats, je m'en rappelle plus le nom que tu disais. Mais il n'y en a pas un donné là-dedans qui est capable de te donner un portefeuille ou un sac de munitions. Ça, le portefeuille, par exemple, ça, moi, je trouvais ça vraiment ridicule. Non, mais parce que un sac de munitions, là, on s'entend-tu, là? Tout le monde, là, en a. Tous tes ennemis contre qui tu te bats en a. Pourquoi tu pognes pas le sac de munitions du gars? Et voilà. Y a-tu une mine dedans quand tu le pognes et tu meurs? Puis tandis que si vous allez looter vos ennemis, vous allez ramasser genre des plaques, des anciennes plaques, des dog tags militaires. Puis des affaires de même. C'est de la junk que vous ramassez sur vos ennemis, puis un peu d'argent. C'est ça. Fait que ça, j'ai trouvé ça. Ben c'est un peu. C'est comme je disais tantôt, ça ressemble pas mal à Assassin's Creed à ce niveau-là. Quand on loot les ennemis dans Assassin's Creed, la seule raison, c'est pour remonter nos munitions de nos différentes armes. Pis c'est vraiment pas pour l'argent, là, parce que ça donne genre 10, peu importe la monnaie, là, peu importe l'Assassin's Creed dans lequel vous pouvez looter. Ça donne vraiment pas beaucoup d'argent, c'est qu'il y a pas vraiment... Tu sais, on peut looter, mais à quoi ça sert vraiment, à part pas se payer des munitions aux 10 minutes? Ben, c'est à ça que ça sert, puis on a même pas ça, je pense... Dans Far Cry. Ben, on a quelques munitions des fois, mais rarement. En lootant des gars, rarement j'ai pogné des munitions sur les gars. C'est vraiment le gun qui... Soit que je vide le chargeur parce que j'ai exactement le même modèle de gun, ou je me retrouve à swapper de gun tout le temps. Tu sais, on peut acheter des améliorations pour le pistolet, mais si on n'a pas le sac de munitions, on se retrouve tout le temps à changer de gun pareil, c'est pour ça, ramasser un stock. Fait mais en même temps, vous changez de gun, mais vous l'avez toujours de disponible au magasin gratuitement. Il est à vous, mais c'est ça, mais t'es, vous pouvez pas profiter à plein. C'est chiant d'avoir à retourner au magasin. Mais sinon, comme je dis, l'histoire principale, j'ai bien aimé. J'ai eu du fun à jouer au jeu. Il y a eu ces petites lacunes-là, mais sinon, moi, un point négatif, oui, c'est un jeu open world, mais personnellement, j'ai trouvé que les missions secondaires étaient très redondantes. Ah non, ça n'est que redondant, là. Tu sais, ça finit que c'est tout le temps, il y a une mère qui pleure, va tuer telle patente ou va tirer à côté de telle patente pour y faire peur ou va chercher quatre pots de bison dans le fond du bois. C'est ça. Mais il y a des missions, il y a vraiment des missions comme la chasse. Il y a des missions vraiment spécifiques de chasse. Puis il y en a des plus loin où c'est vous allez chasser des animaux rares pour avoir les dernières updates comme des sacs de munitions et c'est tout. C'est ça. Là. Et utiliser l'arme que moi personnellement je trouve la plus mauvaise ever dans l'histoire du jeu vidéo. De Far Cry, là, du moins, là. L'arc. L'arc dans Far Cry, ça sert absolument à... Tu tires une flèche dans la tête d'un tigre. On s'entend-tu que dans le monde réel, là, tu sais, je me fais moindrement ma logique, le tigre, il meurt. Tu sais, c'est pas un chevreuil, c'est un tigre. Ah, puis même un chevreuil, il meurt. Mais non, tu sais, faut que tu lui tires trois flèches. Ah, plus que ça, même. Même plus que ça. C'est ridicule. Puis... À la limite, que ça en prenne pas une, c'est pas super grave, mais que ça en prenne 4-5, là, ça devient ridicule. Ah oui, les tigres sont aussi totalement abusifs. C'est un tigre. Je roule dessus avec mon char, il meurt. Je suis pas supposé de bloquer sur un tigre. C'est comme, trop de points de vie sur le tigre. Ben, il est gros, là, un vrai tigre, tu rentres avec ton char, il y a des chances que ton char, il poque, là, mais non, effectivement, là, il y a des animaux qui sont vraiment à but. Ça devient difficile, t'as des chasses, justement, de la chasse de gros prédateurs à l'arc, là. Pas très réaliste au niveau du dégât de l'arc. Ce qui est pratique avec l'arc plus tard, par exemple, c'est qu'il faut avoir des flèches spéciales, comme des flèches enflammées et des flèches explosives. Ça peut être pratique parce que c'est furtif. Donc, le monde ne vous entend pas. Ils ont juste le résultat dans la gueule quand ça arrive. Mais sinon, de toute façon, quand on va chasser, ils exigent habituellement que ce soit avec les flèches normales. Donc, à ce moment-là, on n'a aucun avantage. C'est vrai que c'est une arme qui est un peu, en fait, très déficiente, pas très utile. Donc, souvent, moi, je la laisse de côté. J'aime mieux avoir un pistolet, avoir au moins un pistolet silencieux. Ça fait plus mal. En tout cas, surtout aux animaux, parce que contre les ennemis, à date, les ennemis normales, une flèche, habituellement, puis ils meurent. Mais bon, voilà un point faible du jeu. Sinon, écoutez, pour finir cette critique-là, moi, personnellement, je donne une note de 7.5 sur 10. Quand même un bon jeu, intéressant, un beau jeu, un beau shooter. Moi, j'irais sur 7. Ah, toi, Andrew, il est un petit peu plus critique, mais bon, pour 0.5, on chialera pas. Donc, voilà, c'était notre critique de Far Cry 3 de Ubisoft. Vous pouvez vous chercher ça dans vos magasins préférés ou downloader ça directement sur les internets. Je pense qu'ils l'ont par Steam, je crois. Il me semble que oui. Oui, vous pouvez aller vous chercher ça par Mais Steam. Sinon, par le Ubistar, vous pouvez télécharger le jeu. Et voilà, donc, on vous parle de Far Cry 3 sur... PC dans notre cas, mais aussi disponible sur PS3 et Xbox 360. Et nous continuerons en musique. Juste avant notre entrevue avec M. Luc Biron, on va y aller avec la chanson Danny Boy de Douche. C'est une chanson irlandaise, un peu plus soft, un peu plus tranquille, donc de John McDermott et Anthony Kearns. Vous attendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Danny boy, the pipes are calling from glen to glen and down the mountainside. The summer's gone and all the roses falling. Tis you must go, and I must bide. But come ye back when summer's in the meadow, or when the valley's hushed and white. Tis I'll be here in sunshine or in shadow. Oh, Danny boy, I love you so. And if you come and all the flowers are dying, and I am dead as dead I well may be, you'll come and find the place where I am lying, and kneel and say an Ave there for me. And I shall hear the soft your tread above me, and on my grave will warmer, sweeter be. And ye shall bend and tell me that you love me, and I shall sleep in peace until you come to Je suis Madame Folle et à tous mes voyages à Rouyn-Noranda, j'écoute Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après cette excellente chanson irlandaise du titre de Danny Boy. Et on va passer avec notre entrevue avec M. Luc Biron, président de la Société d'animation japonaise de Gatineau et un des organisateurs principaux de G-Anime, donc festival de manga et d'anime japonais. Bonjour Luc, comment ça va? Ça va super bien. Yes, excellent. Et là, encore cette année, on le dit, là, Puissance Maximale va être présent cette année à G-Anime pour faire des reportages, mais surtout, en fait, une nouveauté cette année, on va faire une émission live sur le site de diffusion de G-Anime. Hey! On est content pas mal de pouvoir faire ça avec vous. Puis là, cette année encore, Luc, écoute, on a des gros noms au niveau des invités. Et écoute, un coup de cœur pour ma part. Et moi, je vais avoir la chance de faire une entrevue avec cette grande dame. Parce qu'on sait, Luc, que t'as quand même souvent des doubleurs à G-Anime. Et là, on a encore un invité de marque, Madame Jackie Berger. Et là, tu vas nous expliquer c'est qui Jackie Berger pour ceux qui savent pas. Ben, c'est la voix de votre une des voix qui vous a plus marqué dans votre enfance. C'est la voix de Esteban, oui. Des mystérieuses cités d'or. Et oui, puis quand vous connaissez un peu la voix d'Esteban, là, vous la reconnaissez et vous vous rendez compte que cette dame-là a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de voix de jeunes garçons dans les animés de l'époque, là, dans les dessins animés qui passaient. Donc aussi l'oiseau bleu avec, qui a passé ici, qui avait été un genre de succès. Et rapidement, là, je sais qu'elle joue aussi Ken Scott dans Capitaine Flamme, Sid Sawyer dans Tom Sawyer, et aussi Petit Gourou dans Winnie l'ourson, là, pour ceux qui se demandaient. Elle a joué dans tout ça et bien d'autres choses encore. Oui, tout à fait. Et là, t'as aussi, au niveau anglophone, parce qu'on est à Gatineau, au niveau anglophone, t'as Terry Hawks. Et c'est qui Terry Hawks? Terry Hawks, c'est la voix de Sailor Moon. Donc, c'est la voix anglaise qui a fait Sailor Moon, la première voix canadienne du doublage canadien qui avait été utilisé, qui a passé sur YTV. Pas la deuxième partie, mais la première partie, du moins. Ce qui est assez formidable de Terry Hawks, c'est que c'est votre dernière chance de la voir. Je vous garantis. Elle ne viendra nulle part ailleurs dans aucun autre festival. Cette année, elle a fait 3 festivals. C'est les 3 premiers en quoi 10 ans qu'elle a fait. Et la raison pourquoi elle vient à Gatineau, c'est qu'elle veut rencontrer ses fans d'animé de Sailor Moon qui l'ont vu en français, en anglais, mais qui étaient francophones en réalité. Donc elle vient pour les francophones en premier, littéralement. OK, là tu nous dis finalement que Madame Hawk, ça va être dans ses dernières conventions. Là. Non, pas ses dernières. sa dernière. Sa dernière. Bon, ben écoutez, c'est une exclusivité de fin de parcours pour Janimé. Donc, si vous voulez rencontrer la voix de Sailor Moon, il va falloir se rendre à Gatineau. Aussi, il y a des gros, il y a les activités standards, puis aussi dans les invités, il va y avoir Irulan, qu'on a pu connaître, entre autres, dans les premières années, entre autres, de Takuton. C'est une Québécoise qui chante en japonais, qui fait des reprises de chansons d'animé. Moi, j'ai un CD chez nous. Écoute, moi, je l'adore. Mais est-ce qu'on va avoir la chance de l'avoir en concert chez vous? Oui, tout à fait. Elle a un concert prévu samedi vers 2h. D'ailleurs, c'est pas la seule aussi qui va avoir son concert. Irulan, c'est beaucoup amélioré plus le temps. Mais on a le retour de Pinku Project qui avait été très, très populaire cette année. Et puis, bien entendu, ben pour ceux qui ont déjà été voir le site web, on a aussi Noise qui s'en vient, qui est un groupe qui vient carrément du Japon. Donc, on a un groupe japonais qui arrive sur place et qui a un show le vendredi. Il y a un surplus à payer, mais au moins, on a un groupe de japonais que même Otakuton n'a pas en ce moment. Donc, on a beaucoup, beaucoup de musique cette année à Janimé. C'est toujours le fun d'avoir des bons concerts. Et dans les autres activités, bien évidemment, Luc, visionnement de disponible à Janimé. Puis on sait que c'est une de vos forces. Vous avez un bon système qui a été, entre autres, créé par Monsieur Mathieu Charon, là, qui est à la technique chez vous. Beaucoup de nouveautés encore cette année. Est-ce qu'on va avoir beaucoup de franco de disponibles? Bien, Janimé a toujours la mission de distribuer l'animé francophone, du moins en langue française. Donc, on a une salle de doublé. On est le seul festival, ce que je cherche, qui a une salle qui est dédiée au doublage. Et bien entendu, on a une salle de sous-titrés. Tout notre animé est légal. Il n'y a aucun fansub. Et je peux dire clairement qu'on est le seul festival qui n'utilise pas de fansub au Québec en ce moment. On est très fiers de ça, d'ailleurs. Puis, on a vraiment une très bonne sélection. Les titres qui sont là sont vraiment des titres de répertoire avec, là. Donc, on a justement les 20th Century Boys qui s'en viennent. L'horaire n'est pas encore sorti, mais on a déjà décidé depuis un bon moment qu'est-ce qu'on sortait. Ça va être sorti dans les prochains jours. On termine le formatage pour vous le montrer. Mais je vous préviens, ça va frapper pour à peu près. On a les films d'Evangelion doublés. On a le Code Geass doublé avec en Blu-ray, qui vient de du Master Blu-ray. Donc, non disponible en Amérique du Nord parce qu'il n'y a jamais eu de Blu-ray de Code Geass qui sont sortis. Donc, on a vraiment des qualités d'image supérieures. On a vraiment des films supérieurs comme tel Flag aussi. Donc, c'est pas à ne pas manquer, ça c'est sûr et certain. Hey Luc, c'est une drôle. Juste pour te dire, là, j'ai vraiment hâte de voir God Geass à ton festival. La quantité de fois que tu m'en as parlé quand tu m'as appelé chez nous, là. Ouais, ben là, c'est ça, c'est une affaire que tu as manqué dans ta culture générale, Andrew, faut que tu rattrapes ça. Non, mais faut que je voie la qualité Blu-ray, là, tu m'en as tellement parlé. Mais c'est ça qui est intéressant, mais je le confirme, mesdames et messieurs, c'est quand on va à Janimé, si on va avoir justement des bonnes projections, ben il y a de tout. Il y a des classiques, il y a des nouveautés, il y a du répertoire. Ça vaut la peine de se déplacer, entre autres, pour ça, pour se déplacer à Gatineau. En plus, là, visionnement, oui, mais vous allez avoir des salles, vous avez les panels, donc les ateliers faits souvent par les fans, les gens qui se présentent au festival, qui veulent parler de leur passion, c'est disponible également. Puis vous allez avoir, moi, un de mes gros coups de cœur de Janimé, la Gaming Room. Ben oui, ça change jamais chez nous. C'est, en tout cas, nous, on a de la place pour gamer autant vidéo. Et là, dans la gaming room, comme à chaque année, mais là, on va encore avoir ça cette année, il va y avoir des tournois. Oui, il va y avoir des tournois. On est en travail sur l'horaire avec les tournois. On est en train de finaliser ça. Puis bien entendu, on va aussi avoir des consoles libres. Ce qui est le fun aussi chez Janimé, vous voulez une console? On l'a. C'est à peu près ça. Il y a, à part le Virtual Boy, là... à peu près toutes les consoles qui sont le fun à jouer. Effectivement, il y a une belle sélection là, à Janimé. Là, vous pouvez vous présenter là pour un petit gaming d'après-midi. Là. Tout est disponible à ce moment-là. Je me rappelle, il y a 2 ans, il y avait une machine à boules. Oh oui, il y avait le pinball qui était... de retour cette année. Ah, excellent ça. On va aller voir ça. Et là, d'autres trucs, il va y avoir bien évidemment le traditionnel concours d'AMV. On rappelle aux gens que l'AMV, c'est le Anime Music Video. Donc, c'est des montages vidéo faits sur des musiques. Et là, cette année encore, Luc, c'est quand cette année que ça va être présenté? Est-ce que c'est toujours le dimanche? Ah, c'est le dernier événement de la fin de semaine. Oui, puis ça vaut. Moi, je dis toujours aux gens que ça vaut la peine de rester jusqu'à la fin parce que c'est toujours très bon, ce concours-là. Ça vaut toujours la peine d'être assis dans la grande salle pour voir ça. Et les gens votent en salle pour, entre autres, désigner le prix du public. Il va y avoir également un concours G-Idol. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? J'imagine que ça ressemble un peu à. C'est un. Grosso modo, c'est un genre de American Idol, mais avec des musiques japonaises. Les participants vont chanter en japonais ou en coréen. Et bien entendu, on va avoir avoir trois juges avec nous. On va avoir des juges qui vont être noise. Il risque d'avoir Iroulan et il va avoir probablement Toby ou une fille de Pinku Project dans le procédé. Donc c'est vraiment des personnes qui savent chanter qui vont vous critiquer, littéralement. Excellent. Donc, pour les fans de ce genre d'émission-là et les chanteurs en vous, c'est une autre raison de vous rendre à G-Anime. Et il va aussi avoir un concours de modèles de Gundam. On sait, Luc, que tu es un gros fan de la série et des modèles, évidemment. Est-ce que c'est toi qui vas juger? Cette année, je ne pense pas que ça va être moi qui va juger. J'ai pas jugé l'année dernière. On va voir l'année prochaine, cette année. Bien entendu, il y a d'autres affaires qui sont beaucoup plus importantes dans le festival que je pense que vous avez oublié de mettre en ce moment. Dans les activités, le show du Gros Baka, à mon avis, va être un gros hit cette année. Ben oui, j'allais le dire, justement. C'est notre ami Julien Materne qui vient à l'émission à l'occasion ici, qui va faire, c'est comme un show d'humour, là, qui va parler des travers, des geeks et surtout des otakus. Oui, ça risque d'être très sale et je peux vous garantir, Julien travaille dessus depuis un bon moment. Je peux aussi vous dire qu'on a aussi ici G-Anime, oui. Basé sur Louis-José Hood, et j'ai participé à la sélection des morceaux les plus croustillants qu'on a pu trouver pour faire la sélection de cette année. Je peux vous dire, on en a des très bons et des plus que croustillants et très marrants à voir. Oui, c'est ça. Ici, Louis-José, on le rappelle, qui présentait des extraits d'émissions, puis on commentait, bien, c'est la même chose. Ça avait été fait à Québec aussi également. Là, à G-Anime, depuis 2 ans, ça se fait toujours très drôle à voir, de voir qu'on puisse commenter ce genre d'extrait-là. On peut avoir effectivement des extraits assez comiques que vous pouvez retrouver, lors de cette activité. Écoute, Luc, ça se passe déjà très rapidement. On est déjà à la fin de l'entrevue. Tu peux nous rappeler les dates rapidement? Oui, c'est le 25, le 26 et le 27 janvier. Tout ça au Palais des Congrès de Gatineau. Peux-tu me rappeler également les prix parce que là, les préventes sont terminées, mais les gens qui vont se présenter à la porte? Pour la journée de vendredi, c'est 25. Pour la journée de samedi, c'est 35. La journée de dimanche, c'est 30$. Mais pour le week-end au complet, c'est 45. Donc, et bien entendu, si vous voulez voir le spectacle de Noël, c'est un surplus de 20$. Il y a lieu vendredi. Donc, évidemment, là, ça vaut vraiment la peine d'acheter la passe pour la fin de semaine et de vous rendre directement à Gatineau pour aller assister à G-Anime. On rappelle que vous pouvez aller sur le site Internet, donc le G, comme dans la lettre G, anime, en un mot, ganime.ca, pour aller voir toutes les activités et l'horaire qui s'en vient dans pas long, parce que ça s'en vient d'ici deux, trois semaines pour G-Anime. Et il y a la page Facebook également où vous pouvez aller vous inscrire et avoir les nouvelles qui vont sortir sur Facebook en même temps. Je te remercie beaucoup, Luc, de nous avoir parlé ce soir et on se revoit la fin de semaine du 25 au 27. On va faire un live chez vous, on va se parler, on va faire des reportages, on va faire même des panels à ton festival. On a hâte de te voir. Moi aussi, j'ai hâte de vous voir. Excellent. Salut, Luc. Bye. Et on compte après cette entrevue avec M. Luc Biron de la Société d'animation japonaise de Gatineau, un des organisateurs de G-Anime. On va continuer en musique avec la chanson « Même pas mage » du Null Band. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Je viens d'un tout petit village, si pourri qu'il n'a pas de nom. J'ai échappé à un pillage, caché au milieu des cochons, couvert de lisier, sentant la mort. Dignement, je me suis relevé et je suis parti vers le nord, bien décidé à oublier. J'avais à peine marché 2 heures, j'entendis les tambours de guerre. Soudain alarmé, je pris peur, j'étais vraiment dans la galère. De chaque côté 2 armées, épées et boucliers levés, commençaient les hostilités, et moi j'étais dans la mêlée. Je ne suis pas un magicien, j'ai jamais tué de dragon. Si j'en suis là, c'est le destin qui m'a vraiment pris pour un con. C'est vrai quoi, merde. Ah. Blessé à l'oreille et tremblant, seul survivant, il fut soigné. Le roi vraiment reconnaissant, fit de lui un. balançant sous le gibet sur la grande place. Et j'avais aussi un tyran et l'on me fit roi à sa place. Bien au-delà de mes frontières, on chantait partout mes exploits, si bien que mes autres confrères étaient à mort jaloux de moi. Terrible cauchemar, je convoquais tous les monarques pour leur dire que j'en avais marre. À table et autour d'un repas, j'abordais l'histoire des cochons. Les rois qui se foutaient de moi rirent et s'étouffèrent pour de bon. Mais qu'ai-je donc fait au destin pour qu'il s'acharne ainsi sur moi? Son rêve c'était chevalier, encore moins roi. J'aurais voulu être paysan et puis épouser une belle blonde. Et c'est plus possible maintenant qu'il est devenu maître du monde. Que je suis devenu maître du monde. Il est devenu maître du monde. Merci, hein. Bon alors, vous me les cirez, mes chaussures? Pas vrai, ça. Oui, vraiment. Ok, je suis Normand Lamour et puis vous écoutez Puissance Maximale. Mon petit bébé d'amour. Vous me fait rire. Normand. Il va être de retour d'ailleurs, hein? Ouais, ben là, écoute, on est content d'accueillir M. François Gécouillard. Allô. Grand Manitou de Puissance Maximale dans les studios. Salut, François. Hey, ils veulent ouvrir un autre Madrid, là, l'ancien propriétaire du vrai Madrid, là. Il veut ouvrir Madrid. Quoi, il a vendu ça, puis là, finalement, il est tanné, puis il veut s'en réouvrir un autre. Il veut s'en ouvrir un autre. La sortie d'à côté, il va appeler ça le Bigfoot 200. J'ai vu le nom, j'ai dit, waouh, ça va être trop hot. Puis il veut effectivement faire revenir Normand Lamour. Alors, ben là, écoute, bonne chance. À Puissance Maximale, on ne peut être qu'heureux à l'audition de cette nouvelle. Et on va y aller avec le dossier de M. Castegan, la suite pour les prédictions 2013. Et qu'est-ce que tu as pour nous, Endo? Ben en fait, juste faire un récapitulatif rapide de ce que j'ai annoncé la semaine passée, mes prédictions. Première prédiction, que Sony et Xbox, avec Microsoft, je veux dire, allaient annoncer des nouvelles consoles au E3. Je veux juste apporter une petite nuance parce que je me suis fait taper ses doigts cette semaine par du monde qui nous ont écoutés. Ils ont dit, ouais, voyons, Sony sortiront pas de PS4 cette année. J'ai dit annoncé. J'ai jamais dit qu'elle allait les sortir cette année. Fait que je voulais juste faire une correction là-dessus. Sinon, j'avais annoncé que Nintendo allait sûrement sortir une nouvelle mouture de la 3DS avec un deuxième joystick. Qu'est-ce qu'il serait temps qu'il fasse? Et après ça, j'avais annoncé qu'il allait y avoir d'autres studios qu'elle est malheureusement formés en 2013 pour la raison que on était dans un ère du déclin de la jeu de, des jeux de console de salon. Puis là, on a des nouvelles TV. Il y a le salon électronique de Las Vegas qui est en train de se passer présentement. Et il y a des modèles de TV qui sont là, le plus haute définition, le 4 fois le 1080p. Et là, on parle de TV qui ont des systèmes de jeux intégrés, que ce serait des services que les compagnies. Ça fait que là, les consoles vont avoir de plus en plus de compétition. Ça fait qu'Andrew, là, t'es dedans. Oui, ben en fait, ça menait à une autre prédiction que j'avais pas eu le temps d'élaborer avec l'annonce des nouvelles consoles. En fait, faut s'attendre à ce que le E3 sans forcément qu'ils nous annoncent des nouvelles consoles ou quoi que ce soit, les éditeurs vont nous annoncer probablement des jeux compatibles avec les nouvelles résolutions, dans le fond, qui vont être annoncées au CES. Parce que les fabricants de télévision sont très sérieux tant qu'à cette nouvelle résolution 4x1080p. Mais malheureusement, il n'y a pas de console actuellement vraiment qui le fait, à part peut-être le PS3. Je sais pas si le PS3 serait capable de le faire, mais c'est à cause que, tu sais, on se rappelle, l'année passée, on avait parlé beaucoup de nouveaux engines graphiques. Il y a Square Enix qui a viré sa chemise avec son engin pour en acheter un, qui était le Unreal 4 Engine, je pense que c'est le 4, le dernier. Et dans le fond, il faut s'attendre encore cette année à des annonces de nouveaux moteurs graphiques, maintenant encore plus puissants, qui vont prendre ces nouvelles résolutions et ce nouveau 3D, parce que ben, il n'y a rien qui le fait encore. Fait que dans le domaine du jeu vidéo, faut s'attendre à ce niveau-là. Sinon, une autre prédiction, ça va être plus sombre un peu. Je vous dirais 2013 risque d'être la première, ben c'est, ça sera pas la, excusez pour la chaise, ça sera pas la première année que Blizzard va voir ça, mais je vous annonce que probablement que Blizzard va faire un déficit en 2013. Pourquoi que je me base là-dessus? Premièrement, chose à savoir, si vous le saviez pas, je vous annonce ça, Blizzard a été acheté par Activision. Donc, ça fait un petit bout, ça, par exemple. Ouais, ça fait un petit bout, mais si vous êtes comme moi, vous avez sûrement remarqué que actuellement, Blizzard roule beaucoup sur deux franchises. StarCraft 2 a quand même eu un très bon succès. Le nouveau s'en vient. Et le nouveau s'en vient cette année. Et World of Warcraft qui vit sur des restants. Le monde, ils vont dire, ouais, mais Diablo 3, non. Diablo 3, ça n'a pas duré. Ben, ça a été un feu de paille assez solide, ça. Ça a pogné au début, mais avec les nombreux problèmes techniques, et ça reste un hack and slash. C'est la même année que dans le gros Skyrim, on a des jeux dans le genre-là, puis on se tape un hack and slash où ça va avoir un storyline intéressant, là, mais ça reste que t'es pas vraiment dedans. Fait que, dans le fond, qu'est-ce qui va arriver, je vous dirais, c'est que StarCraft 2 Heart of Swarm va sortir cette année. Donc, qu'est-ce qui va faire en sorte que Blizzard va surfer sur la vague? Ils vont annoncer les informations au E3 ou à la BlizzCon. Peut-être que cette année, ils vont faire une BlizzCon, contrairement à l'année passée. Et vont annoncer, dans le fond, le troisième chapitre là, de la série de StarCraft 2. Mais à part ça, c'est pas mal ça. Il n'y a pas grand-chose. Mais c'est quoi les chiffres de WoW? Est-ce que t'es là? Est-ce que le membership a baissé? Ou est-ce que c'est stable? En fait, en frais de membership, c'est stable. Mais c'est le nombre de joueurs actifs que beaucoup droppés. J'ai pas le chiffre exact à portée de main. Mais il commence à être temps. Mais ça cause que ça date de quelle année, c'était bon jeu? Moi, j'étais au cégep et ça fait déjà un bout. Là. C'est ça, mais il y a beaucoup de monde qui ne joue plus à WoW, mais ils ont encore un compte. Donc, tu sais, il y a du monde qui a de l'air qui aime ça payer, là, mais bon. Mais ils veulent pas perdre leur personnage au niveau 20 qu'ils ont mis 8600 heures dessus. C'est sûrement 40 ou niveau 60, là, s'ils ont suivi les expansions. Mais c'est sûr que le nombre de joueurs actifs a beaucoup baissé parce que il y a plus juste World of Warcraft qui est rendu dans les MMO. C'est sûr qu'il y a pas eu d'autres succès à la hauteur de World of Warcraft en frais de MMO, mais il y a beaucoup plus de variété, beaucoup plus de choix au niveau qui s'offre à la clientèle. T'sais, vous avez eu Terra Online que j'ai parlé, que là ils sont un petit peu sur le respirateur artificiel, mais t'sais, ça avait joué un peu. Il y a Final Fantasy 14. Pourquoi 14? Square Enix, excusez, fallait que je le dise, mais Final Fantasy 14, il y a Star Wars qui est tombé en free to play. Il y a Dungeon and Dragon Online qui est tombé en free-to-play. Puis en même temps, les MMO gratuits sont de plus en plus de qualité. Puis le graphique, je veux pas être plate pour Blizzard, là, mais le graphique, il y en a qui sont mieux ou égal à. Fait que t'es... Puis des fois, l'histoire est même plus le fun. Fait en plus, il y en a d'autres MMO qui s'en viennent, entre autres, là, possiblement avec Kickstarter, le MMO de Pathfinder et le MMO de Elder Scrolls qui s'en viennent dans la prochaine année. Donc, de toute façon, les MMO, à la base, là, c'est assez... Il n'y a pas de gros hype par rapport à ça. Il y en a eu un pour Star Wars à la sortie, mais ça a vite descendu la ballonne. C'est pareil, hein, c'est bizarre. C'est ça, mais c'est... En tout cas, moi, je comprends pas le monde qui jouait ça, mais bon. Puis sinon, une autre prédiction, là vous allez me dire deuxième prédiction, la fin de la production de la PS Move. Ça m'étonnerait pas du tout, parce qu'il y a pas de jeu. Mais en fait, c'est dans PlayStation Magazine que j'ai lu l'article en question. Et tu sais, parce que, comme j'ai dit la dernière fois, j'avais été acheter quelques magazines justement pour me documenter au niveau des analyses de certains... d'experts de la chose. Et le PlayStation Move, pour le prix de production versus le prix de vente versus le profit à cause des ventes, ça serait désastreux, parce que comme Michael a dit, il y a un sérieux manque de jeux de qualité. C'est sûr que Sony ont annoncé quelques jeux comme une affaire de magie là, faite avec J.K. Rowling. Ouais, mais c'est sûr qu'il y avait un rapport avec Harry Potter et tout là. Mais tu sais, ça avait pas été si bien coté que ça. C'était plus pour les enfants. Puis à date, vraiment, ça c'est un truc qui aurait dû sortir à la sortie de la PS Move. C'est ça. Faire mousser les ventes. Mais fait là, il y avait beaucoup de monde qui disait, hey, je suis de parfait avis avec eux. Si Sony ne sort pas de gros titres avec la PlayStation Move au E3 de cette année, probablement que ça va égaler une fin de vie, malheureusement, pour cet accessoire-là, qui au début avait quand même pas mal de potentiel. Ça répond bien, puis mais. C'est plus précis que la Wiimote. T'sais, à part peut-être avec la Wii U. J'ai trouvé que la manette Wiimote était, ma foi, très précise avec la Wii U, pas mal plus qu'avec la Wii. Mais, tu sais, ça avait un potentiel. Mais que voulez-vous, Sony sont bons pour ne pas exploiter ça. Et en parlant de Sony, d'ailleurs, une autre prédiction. Sony ont fait parler d'eux dernièrement parce qu'ils sont en train de travailler sur un brevet pour empêcher la vente de jeux de seconde main. Dans le fond, que quand on achète un jeu, qu'on le met dans une console, le jeu devient associé avec la console. Fait que si vous le prêtez, si vous le vendez, il ne marchera pas sur une autre console à moins que la personne achète une licence. Donc, je vous annonce que si Sony, effectivement, réussir à faire passer ce brevet-là, parce qu'on parle vraiment pour la génération actuelle. Là. Ils veulent travailler pour faire ça là. Puis ça serait compatible avec la PS3, avec une mise à jour de firmware. Si ça passe, ils se refont défoncer. Ils vont se faire défoncer, puis ils vont avoir un sérieux problème. Parce que moi, je vous garantis que les gens vont boycotter leurs produits sérieusement. Parce que moi, le premier, j'achèterai. Moi, j'ai une PS3, mais moi, je vais arrêter de jouer. Puis je vais aller m'acheter autre chose parce que moi, mes jeux, c'est à moi. Là. Mais ça se peut-tu que les autres fabricants suivent la run puis fassent pareil? Ben, cette année, on a entendu beaucoup parler, justement, par rapport au marché du jeu de seconde main. Mais là, à la fin de l'année, ça n'a pas vraiment ressorti comme nouvelle. J'espère que c'est une idée folle. Parce que moi, je vous le dis, là, si les fabricants de consoles font ça, ils vont mettre la hache dans les consoles. Ah ouais, le monde va retourner PC, puis le monde va aller vers la Ouya, là, c'est cette console-là de indie game qui s'en vient, puis ils vont se virer vers les autres, puis that's it, le monde va arrêter de jouer avec les consoles. Puis finalement, il va falloir faire une troisième partie. J'en ai d'autres, mais on regardera ça pour une prochaine fois. Parce que ce sera pas la semaine prochaine, malheureusement. Non, parce qu'on sera pas là la semaine prochaine. On sera pas là la semaine prochaine. On te l'annonce, François, et on vous l'annonce à vous, auditeurs. Non, nous devrons nous absenter la semaine prochaine, mais ne vous inquiétez pas, nous serons de retour. C'est une autre prédiction pour 2013. On sera pas là pour la semaine prochaine. Mais sinon, je l'ai posté sur mon Facebook, j'ai pas pensé à le faire, juste nouvelle rapide. Je voulais en parler, je m'attendais à ce que Nintendo cette année annonce un nouveau Pokémon sur 3DS. Je l'ai pas mis dans mon chronique prémonition parce que ça aurait été un petit peu prétentieux de ma part de le dire parce qu'ils l'ont fait la semaine passée. Cette semaine en fait. Ouais, sa sortie Andrew était plus rapide que jeuxvideo.com. Oui, de quelques minutes. Puissance maximale à l'affût des exclusivités. Mais tout ça pour dire Pokémon X, Y, faites une recherche sur YouTube pour voir le trailer, ça a l'air de torcher solide. C'est pour les amateurs de la franchise, ça va être disponible sur la 3DS, je pense que ça va être l'hiver 2013, si je me rappelle bien. Octobre 2013, donc surveillez mondialement. Ça. Mondialement. Donc allez surveiller ça. Le premier jeu Pokémon de l'histoire à sortir en même temps partout dans le monde. Oh yeah, on aime ça. Et donc c'est la fin de Puissance Maximale déjà, merci beaucoup Andrew Castegan. Ça fait plaisir. Et comme on vous a dit, on sera pas là la semaine prochaine, mais on va être là dans deux semaines et on va être là à J'Anime, surveillez ça, la dernière fin de semaine du mois de janvier. Suivez-nous, on va faire un live à partir de là-bas. On va tout publier les informations sur Internet pour savoir où est-ce qu'il faut nous écouter. Je remercie Monsieur François Gécouillard d'être passé en studio. Bien, merci à vous tous, merci aux auditeurs. Yes, et restez à l'écoute pour le Cirque Aquatique Magique avec François. Peut-être la semaine prochaine, je vais peut-être prendre votre heure ou est-ce que vous avez autre chose? Oui, certainement. On te l'offre avec grand plaisir. Parfait. Mais mon nom à moi est Michael Michaud. Je voudrais remercier aussi M. Luc Biron de la Société d'animation japonaise de Gatineau pour nous avoir parlé de J'Anime. Et mon nom est Michael Michaud, votre animateur. Toujours content d'être là. Allez au www.puissancemaximale.com pour aller écouter nos anciennes émissions, aller lire nos nouvelles et aller sur Facebook nous aimer parce que nous, on vous aime également. Donc, on vous dit dans deux semaines et surtout, passez deux excellentes semaines de jeu. We use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now, Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb. When I'm not out with my girlfriend, it's D&D. Whoa, whoa, whoa, whoa.